y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Ils mitraillent les samouraïs de l'Occident. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Mais si au départ il y avait égalité dans la force des moyens déployés, j'aimerais savoir qui attaquerait le premier. Ce qu'on verrait si l'ordre était inversé. Imagine le mal qu'ils se donnent pour respirer, entre poussière de chars et vagues de terrain miné. Fini le temps des rires sur le chemin des écoliers. Voilà le résultat de nos campagnes effrénées. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Ils mitraillent les samouraïs de l'Occident. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Évoque le vent, évoque le vent, évoque le vent du nord et souffle les bougies des traités de paix. Chaque jour qui passe fait la preuve qu'on les a oubliés. C'est business time et dès lors il nous faut des armes et de l'or. Et comme s'il n'y avait pas assez de l'or pour briller, contrôlons les gisements, nous en ferons de beaux billets. Le monde a mal à la tête, un cancer de la foi, une culture de la dette qui me laisse pantois. Mais quel est celui qui prête? Quel est celui qui doit? Oui, c'est lequel qui allaite et c'est lequel qui boit. Il mitraille les samouraïs de l'Occident. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Il mitraille les samouraïs de l'Occident. Partout où il y a de l'or à se mettre sous la dent. Et sans faille, ils éliminent les excédents, occupent les terres et battent la campagne en chantant. Bye.